Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On en sent pour une nouvelle émission en différé, la prochaine, le 22 septembre, dimanche prochain, sera une émission en direct, la première de la saison 2024-2025, mais en attendant, toujours plein de très très bonnes choses à se mettre dans les oreilles. Pêle-mêle, bon, de toute façon ça reprend globalement la diff de la semaine dernière, c'est à peu près la même chronologie également, cependant bien évidemment les titres changent, on va pas s'écouter deux fois le même morceau du même groupe. Première doublette dans l'émission de ce soir, Nile Speed, formation américaine puis formation australienne. Nile tout d'abord, les vétérans du Technical Brutal Death qui nous sortent un nouvel effort studio, le 10e, 5 ans après Vine Elotic Rites. Au passage, changement dans le line-up, hein, de nouveaux Icos, un bassiste qui tient la gratte chez Morbid Angel depuis un paquet d'années, et un troisième gratteux. On a toujours cette voix ultra basse d'outre-tombe de Carl Sanders, et cette frappe de George Collias reconnaissable entre toutes. Un album toujours aussi brutal, technique, original, et un nouvel effort, un enrichissement sur les ambiances, les chœurs, les claviers, etc., qui fait qu'on va pas bouder notre plaisir sur ce nouvel effort studio de Nile. Speed ensuite, le groupe donc qui nous vient de Sydney, actif depuis 5 ans, qui vient de sortir là en juillet son premier album studio longue durée via Vladspot Records, 10 titres dans une veine bien heavy hardcore, metal hardcore, sauce 90s, avec une touche déjà propre à la jeune formation. Et puis on les avoir vus au Super Bowl cette année à Rennes, ça défonce sur scène. Nile, The Underworld Awaits All, on s'écoutera le titre Overlord of the Black Earth. Speed, Only One Mode, on s'écoutera le morceau No Love But For Our Own. Je me suis un peu chié sur la prononciation du titre de Speed, enfin bref, essentiel. C'est parti et bienvenue dans l'émission. Pour la suite, deux salles, deux ambiances, Spectral Wand et Crystal Viper. Spectral Wand, je l'ai pas mal fait tourner cette semaine, la formation black metal québécoise, qui pour le coup chante en anglais. Bientôt 10 ans d'expérience et c'est le quatrième effort studio qui vient le jour. On est sur un gros crossover d'inspiration black metal. Hein. Si vous voulez, on est sur le metal noir typiquement québécois, qui va chercher dans le côté crado du black finlandais, avec les mélodies et le côté épique du Black Death suédois. Voilà, c'est hyper prenant, c'est torturé, accrocheur, et Spectral Wand, bah, l'album, il marche vraiment super bien au détour d'une écoute attentive. Songs of Blood and Mire, on s'écoutera le titre Fevers and Suffering. Crystal Viper, ensuite un groupe qu'on aime beaucoup, qui nous vient de la scène heavy polonaise. Qu'est-ce qu'on a à préciser sur cet album? Martha Gabriel, la vocaliste toujours aussi extraordinaire, tient la basse maintenant sur ce nouvel effort studio. J'étais vraiment resté sur le précédent album, hein, The Cult, qui ouvrait une nouvelle thématique lovecraftienne. Voilà, le précédent album était vraiment excellent. Ce nouvel effort studio continue dans la thématique Lovecraft, aussi bien sur le titre de l'album que les morceaux, que l'artwork. Un traitement musical des instrus que bah, j'aime pas beaucoup. Je trouve que l'album il manque cruellement de patates alors que les morceaux sont vraiment super efficaces. Donc un peu décevant à l'écoute ce nouvel effort studio, mais bon, je fais confiance à Crystal Viper et il y a bien un moment où je trouverai la porte d'entrée qui saura me contenter une fois de plus avec ce nouvel effort studio. The Silver Key, c'est le titre de l'album et on s'écoutera le morceau Old House in the Mist. Spectral Wand, Crystal Viper, c'est parti. We'll be right back. De la classe, de l'élégance, de l'inspiration pour le premier groupe de cette troisième doublette, de la rage, de la colère, de l'implication et cependant de l'efficacité également pour le second groupe de la doublette à venir, Dark Tranquility, qui nous vient tout d'abord de Scandinavie. On est sur du pur Swedish Death Metal qui nous vient de Göteborg, du Melodeath même. C'est le 13e album studio qui vient le jour, plus de 30 ans de carrière pour les Suédois. Nouvelle section rythmique qui a intégré Dark Tranquility entre les deux albums, hein, à noter le départ du batteur emblématique, hein, qui était l'un des compositeurs principaux du groupe. Michael Stein, toujours derrière le micro, toujours aussi mélancolique, versatile, puissant et catchy. Voilà, ce nouvel effort de Dark Tranquility démontre une fois de plus que les Suédois ne savent pas faire de mauvais albums. Voilà, une réussite totale et complète à tous les niveaux. Gel ensuite dans un style complètement différent, le groupe de hardcore qui nous vient du New Jersey nous sort un EP 5 titres qui fait suite à l'excellent Only Constant qui était sorti l'année dernière, il y a un an et demi à peu près, le premier album longue durée. On est toujours sur un crossover très hardcore punk, bien vindicatif et violent. Les titres sont un peu plus longs, on est autour de 2 minutes 30 sur à peine 2 minutes sur la précédente sortie studio. Donc voilà. Gel continue de séduire et de proposer des productions ultra efficaces en studio, puis sur scène ça défonce. Dark Tranquility, Enforced Perspective, extrait de l'album Untime Steinhall. Gel, on s'écoutera le morceau Mirage, extrait de l'album Persona. continue à dérouler tranquillement avec une doublette européenne, une doublette méditerranéenne même. Les Italiens de Forgotten Tomb et les Espagnols de Warned, Forgotten Tomb, le groupe de Black Doom, de Suicidal Depressive Black Metal, qui va chercher dans les plus ténébreuses noirceurs du black metal, si l'on peut dire. Voilà, 25 ans d'existence, et c'est là le 10e effort studio qui est sorti cet été. 6 titres pour 40 minutes sombres et mélancoliques. Warmed ensuite, le groupe de Madrid, 25 ans d'existence également, et c'est le 4e album qui vient de sortir chez Season of Mist. 8 ans, le sépare de Krikshu, qui était absolument extraordinaire, un petit EP nous a fait patienter en 2019. On est toujours sur de l'ultra brutal tech death sur base de sci-fi, slamisant et limite déshumanisé. La musique de Warmed, c'est ultra radical et implacable. Au niveau du choix des titres, pour Forgotten Tomb, tout d'abord, on s'écoutera A Child That Can Train, extrait de l'album Night Floating, Warmed Virtual Teratogenesis, extrait de l'album Omegon. Tout ça, c'est déjà dispo. Et c'est parti. We'll be right back. Du crado, du lourd, puis de l'ultra-massif hyper violent pour la doublette à venir. Orange Goblin et Nails. Tout d'abord, Orange Goblin, les vétérans anglais du stoner actifs depuis 30 ans, ont sorti cet été, comme les Italiens de Forgotten Tomb, leur 10e effort studio. 6 ans après le précédent, et d'un label anglais, ils passent à un autre label anglais. Du Candlelight, ils passent à Peaceville Records. Y a pas grand chose à noter hein, en termes d'évolution dans leur recette, toujours aussi stoner, hard rock, voilà, c'est groovy, c'est catchy, des tempos plutôt soutenus, d'autres presque doomisants typiquement anglais. Voilà, ce nouvel effort de Range Goblin passe parfaitement bien en écoute légère. Nails, ensuite, le retour fracassant de la formation californienne, active depuis une quinzaine d'années. Un petit split hein, avec un line-up totalement remanié autour du vocaliste et tête pensante Todd Jones. Derrière les fûts, c'est le cogneur de Warbringer qui tape maintenant. Un album radical et très concis, 17 minutes pour 10 titres. On est toujours sur un crossover Power Violence Grindcore, Hardcore Sauce HM2. Si ça manquait de gras, vous serez servi. Voilà, l'album il passe vraiment tout seul, un vrai régal pour les oreilles. Orange Goblin, The Justice Knife, extra album Science Not Fiction, Nails Imposing Will, enchaîné à Punishment Map, et tout ça c'est extra d'album Every Bridge Burning. C'est parti. toujours à l'écoute d'Elbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On attaque tout de suite l'aspect française, voilà, sélection de formation hexagonale, et on l'ouvre de la meilleure des matinières avec Alceste et Skeletal. Alceste, tout d'abord, qui nous sort Les Chants de l'Aurore, un magnifique nouvel effort studio. Voilà, toujours dans cette veine post-black shoegaze, 25 ans d'existence. Cette compo, voilà, dans un style toujours identifiable, lumineux et inimitable. Voilà, vraiment un régal pour les oreilles, une fois de plus, Alceste. Skeletal, formation de Death Old School qui nous vient de Lille, qui vient de sortir son troisième effort studio au milieu du mois de juillet. 6 titres plus une intro et un morceau final de 13 minutes, rien de moins. Un Death Evil Death bien caverneux, salace et violent. Skeletal la recette sur scène que sur album. Alceste, on s'écoutera le très beau morceau Flamme Jumelle, avec un clip un peu déroutant, mais qui fait son job. Upon the Immemorial Ziggurat, le titre de Skeletal, extrait de l'album Within Corrective Continuums. Et tout ça, bien sûr, c'est déjà dispo depuis cet été. Les